Chapitre 3e. Nos jeunes gens n'avaient pas envie de se marier à demi, ni de s'exposer à voir leur union cassée quelques jours par des arrêts de justice. La guette s'y prit de façon à faire les choses selon les règles. Il confia son projet à M. d'Angoulême, qui l'approuva, et lui donna des lettres pour les gens dont il avait besoin. Le cavalier s'en alla trouver l'archevêque de Paris et obtint de lui une dispense pour se marier sans l'autorisation du père. Avec cette dispense et de l'argent, il gagna le curé du village. Ce curé publia les bans à une basse messe, devant quelques bonnes femmes qui n'entendirent pas ce qu'il disait. On en mit une affiche par écrit dans un coin de l'église. Murdrac passa devant sans avoir l'idée d'y jeter les yeux, et les 9 jours de rieur s'étant écoulés sans malheur, nos amants audacieux rendirent grâce à leur bonne étoile en attendant leur favorable. Cependant le bonhomme eut des soupçons. Il mit Jacqueline prisonnière dans sa chambre, fit veiller un laquais pendant la nuit et lâcha ses chiens dans les cours et le jardin. Mais il n'est pas de précaution qui suffise à retenir les filles qui veulent s'envoler. Le laquais s'endormit, les chiens connaissaient Jacqueline et ne l'auraient point mordu. La demoiselle sortit avec sa femme de chambre par une fenêtre basse et se rendit sans bruit à l'église où l'attendait son amant. La messe fut dite à 2 heures après minuit, et la bénédiction nuptiale donnée en présence de 6 témoins choisis parmi les amis de la guette et qui étaient des gens les plus notables des environs. Les époux s'embrassèrent ensuite et l'on rentra chacun chez soi comme on était venu. C'est ainsi que M. Murdrac se réveilla un beau matin pourvu d'un gendre, sans se douter qu'il fût si riche. La mère trembla de tous ses membres en apprenant le coup de tête de sa fille. Elle gronda la femme de chambre qui se mit à pleurer. Mais comme le mal était sans remède, Jacqueline eut le bon esprit de ne pas s'en repentir. Pendant 3 semaines, la guette eut des entrevues à la dérobée avec sa femme en présence de la camériste. Il observa religieusement la convention de vivre chastement, et sa loyauté inspira beaucoup de tendresse à Jacqueline, en sorte qu'au bout de ce temps, lorsqu'il parla du désir qu'il avait d'emmener sa femme chez lui, elle eut compassion de son ennui et consentit à faire déclarer son mariage au père par M. d'Angoulême. La guette alla donc au château de Grosbois et pria le prince de se charger de faire sa paix avec Murdrac. M. d'Angoulême réfléchit un moment, puis il demanda si la jeune femme était enceinte. À cette question, le gentilhomme, un peu confus, avoua que le mariage n'était point consommé. « Corbleu ! » dit M. d'Angoulême. « Êtes-vous fou ? Si Murdrac apprend cela, il mettra sa fille au couvent et vous ne la reverrez plus. Allez-vous-en à vos affaires comme un mari de chair et d'os et non comme un simulacre. Vous reviendrez quand je pourrai dire à Murdrac qu'il est grand-père, autrement je ne m'en mêle pas. « Monseigneur, répondit le gentilhomme, je vous obéirai. » Et il s'en retourna auprès de sa femme. Sans doute Jacqueline comprit qu'il fallait obéir à M. d'Angoulême, car à 15 jours de là, le prince, en sortant à cheval, aperçut la guette et lui cria de loin « Eh bien, me donnez-vous un filleul ?»« J'ai tout lieu de le croire, répondit le cavalier. « On le voit, à votre air satisfait. » Demain, j'enverrai quérir Murdrac. Soyez chez moi au coup de midi. » La guette n'eut garde d'y manquer. On le cacha dans un cabinet d'où il put entendre la conversation et se présenter à l'improviste si l'affaire tournait à bien. L'écuyer du prince était allé chercher M. de Murdrac, qui arriva sans rien soupçonner de ce qu'on lui voulait. « Mon ami, lui dit M. d'Angoulême, je m'intéresse à la guette, et je vous prie de me dire quelle raison vous avez de mettre empêchement à son mariage. Il est riche, il plaît à votre fille. Vous exposez ces jeunes gens à mal faire par votre cruauté. « Je n'ai point de raison, » reprit Murdrac, « si ce n'est que je déteste la guette. Il est colère et il me manquait de respect. Il vous sied mal de lui reprocher ses colères, à vous qui entrez en fureur à tout propos. C'est vrai, monseigneur, mais je ne puis vaincre mon aversion pour ce garçon-là. Allons, je suis content de voir que vos raisons ne valent rien. » Et que vous avez tort, car le mariage est fait et consommé. Vous êtes grand-père. » À ces mots, le bonhomme recula d'un pas, comme si la foudre lui frappait. « Je suis grand-père, » murmurait-il, suffoqué. « Je ne le serai pas longtemps, si cela est. Je tuerai tout à l'heure la mère et l'enfant du même coup. » Et puis, oubliant le lieu où il était, il se mit à jurer et tempêter comme un homme ivre. M. d'Angoulême, voyant qu'il ne se calmait pas, fit dire à la guette d'enlever sa femme de peur d'accident. Le gendre partit au galop avec des chevaux qu'il prit dans les écuries du prince, et tandis que l'on retenait le père à Grosbois, Jacqueline, qui était bonne cavalière, enfourcha gaillardement sa monture et traversa la plaine à francs étriers pour se mettre en sûreté chez son mari. C'était un rude homme que le vieux Murdrac, et il le montra bien en faisant décréter contre son gendre, contre les 6 témoins qui l'avaient assisté, contre sa fille elle-même, avec le dernier acharnement. Heureusement, le mariage avait été selon les formes. On ne trouva aucun motif de nullité. Des personnes pieuses et respectables reprochèrent à Murdrac le scandale de ses querelles, mais son ressentiment était implacable. Pendant ce temps-là, Madame de la Guette vivait fort doucement avec un mari qu'elle chérissait de tout son cœur. Le ménage allait le mieux du monde, à cela près que les époux se querellaient environ une fois la semaine. L'amour y gagnait en définitive, et leur caractère et leur goût s'accordaient parfaitement. Jacqueline prit tous les jours plus d'empire sur Monsieur de la Guette. Les querelles devinrent plus rares, et on finit par s'aimer de cette tendresse paisible qui ne trouble point l'âme et fait le charme de la vie. Au bout de 9 mois, Madame de la Guette accoucha d'un garçon. Le père, transporté de joie, prit l'enfant et lui mit au cou son baudrier en disant « Tu auras le cœur d'un bon militaire. Tu aimeras les armes comme moi, ou bien je te renie pour mon fils. » « Ne craignez rien, » dit Jacqueline. « Il faudrait que le diable fût bien malin pour donner à des gens comme nous un fils poltron. » Ces pronostics que la volonté des parents porte sur l'avenir de leurs enfants ne manquent jamais leur but parce qu'ils proviennent de leur humeur qui passe dans le sang de leur progéniture. L'éducation et l'exemple achèvent le reste. Aussi Henri IV fut-il un bon compagnon, non pas seulement parce qu'on lui fit boire du vin à sa naissance, mais parce que M. de Bourbon, son père, était un gaillard et lui enseigna par lui-même la galanterie, l'amour, la bonne chère et le courage. Quand le vieux Murdrac sut qu'il avait un petit-fils, sa rigueur fut un peu ébranlée, sans qu'il en voulût convenir. Des dames qui avaient vu l'enfant lui disaient souvent que rien au monde n'était si joli. « Qu'il ne paraisse jamais devant moi !» s'écria le bonhomme. « Je lui donnerai ma malédiction !» Mais en parlant ainsi, les larmes lui venaient aux yeux. L'enfant était en nourrice dans un village à 1 lieue de Mendre. On sut que le grand-père l'était allé voir en cachette et qu'il l'avait pris dans ses bras en soupirant à fendre les rochers. Sur ces entrefaites, Madame d'Angoulême tomba malade et sentit bien qu'elle n'en relèverait pas. Elle envoya chercher Murdrac un matin. « Mon vieil ami, je m'en vais retourner à Dieu et je veux faire, avant de partir, une action qui lui soit agréable. Il faut pardonner à vos enfants pour l'amour de moi. » « Pour l'amour de vous, madame, répondit le père, il n'est rien que je ne veuille faire. Mais comment surmonter la haine? Je puis bien pardonner à ma fille à cause du sang. Quant à ce pendard qui me l'a enlevé, je ne l'aimerai jamais. N'importe, vous le verrez et vous l'embrasserez à ma prière. Eh bien donc, qu'il vienne, je l'embrasserai. » La porte s'ouvrit alors. Monsieur d'Angoulême entra tenant Jacqueline par la main. La fille se jeta aux genoux de son père en pleurant, et la paix fut signée. Pour M. de la Guette, les choses se passèrent plus en cérémonie. Il parut avec une mine très fière, et le duc d'Angoulême fut obligé d'appuyer la main sur son épaule pour le faire saluer aussi bas qu'il le devait. Cependant, après le salut, on s'embrassa. Le gendre descendit jusqu'à dire qu'il avait du regret d'avoir offensé le père de sa femme, et Murdrac répondit qu'il tâcherait de l'oublier. On causa un moment, avec beaucoup de froideur, puis on se sépara presque aussi fâché qu'auparavant. Mais un jeu du hasard acheva ce que le crédit de la princesse n'avait qu'ébauché. En traversant la cour du château, la Guette rencontra un groupe d'au moins 15 gentilshommes appartenant à M. d'Angoulême, et ces messieurs riaient entre eux en prononçant son nom. Il leur demanda ce qui les divertissait si fort. « C'est, lui dirent-ils, que votre accommodement est la chose la plus drôle du monde. Vous avez fait avec votre beau-père comme ce personnage de Francisco Santos dans La Nuit de Madrid qui disait « On nous réconcilia, nous nous embrassâmes, et depuis ce jour, nous sommes ennemis mortels. » « De quoi vous mêlez-vous ? » répondit la Guette que la vérité offensait. « Est-ce à dire que je suis un homme faux ? Apprenez que si j'embrasse mon beau-père, c'est qu'il me plaît de l'embrasser. » Si je lui demande pardon, je pense ce que je dis, et celui qui douterait de mes paroles, je l'appellerai un fat. Nous sommes donc tous des fats, car nous croyons que votre réconciliation est un semblant, que vous détestez votre beau-père et que vous vivrez avec lui plus mal que jamais. Mordieu, vous m'en rendrez raison, s'écria la Guette. je vous apprendrai à me traiter de fourbe. » Il mit l'épée au vent en disant cela. Les autres dégainèrent aussi. M. d'Angoulême, entendant un grand bruit d'armes, de cris et d'injures, accourut avec M. d'Allais, son fils. Le vieux Meurdrac et Jacqueline les suivirent. Ils arrivèrent comme la guette croisait le fer contre la troupe, qui ne faisait heureusement que parer ses coups. « Ah, je suis un fourbe !» disait-il hors de lui. « Ah, je donne des baisers de Judas. Je n'aime pas mon beau-père, mordieu. Je vous ferai rentrer ces mots-là dans la gorge. Vous en avez menti. J'aime, monsieur de Meurdrac. Je l'estime et le respecte, entendez-vous? Et je vous éventrerai tous, si vous n'en convenez pas sur l'heure. » On eut bien de la peine à l'apaiser. Cependant, monsieur d'Angoulême, qui fut pris pour arbitre, jugea que la guette avait raison de se croire offensée. Le vieux Meurdrac se fâcha aussi contre les railleurs et voulait en tuer un ou deux. L'accord se fit après beaucoup de pourparlers, et lorsqu'on se quitta, il se trouva que le gendre et le beau-père, mal satisfaits des excuses qu'on leur avait faites, s'en allèrent dîner ensemble à Mandre bras dessus bras dessous. Pendant le reste du jour, ils répétèrent 10 fois ensemble « Les marauds, se moquer de nous quand nous sacrifions nos inimitiés à notre dévouement pour le prince. Rire d'une chose aussi grave et qui nous a coûté autant. Oser dire que nous jouons la comédie. » Et à force de maugréer et de pester de compagnie contre les autres, ils finirent par devenir les meilleurs amis du monde et par boire à leur bonne intelligence éternelle. Nous laissons à penser si cette soirée fut douce pour Madame de Meurdrac et pour Jacqueline, qui voyaient enfin l'humeur emportée de leur mari amener d'elle-même ce changement si souhaité que ni la tendresse filiale ni l'amour conjugal n'avaient pu faire naître.